Mes chers amis, je tiens à vous le préciser, vous n'aurez jamais à rougir d'avoir espéré en Dieu. Il vous l'a promis. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Espérer en Dieu est probablement l'une des choses les plus difficiles qu'un chrétien doive apprendre. En effet, Dieu parlera à notre esprit en nous révélant les choses qu'il veut accomplir en nous ou à travers nous. Mais il nous faut être patients. Dieu nous prépare tranquillement et nous murmure à l'oreille « Attends mon signal ». Bien qu'il soit souvent désagréable d'attendre, il n'est jamais sage de précipiter l'action de Dieu. Nous pouvons être sûrs qu'il travaille en coulisses, mettant en place les gens et les circonstances nécessaires pour l'accomplissement du but qu'il s'est fixé. Espérer en l'Éternel constitue le test et la preuve de notre foi en lui. Vous en apprendrez plus sur les fruits de l'espérance en écoutant cette émission de Charles Stanley. Une multitude de passages bibliques encouragent l'homme à espérer en Dieu. Un des plus connus se trouve dans le psaume 27 au verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » J'aimerais vous parler aujourd'hui des fruits de l'espérance. Comment Dieu nous récompense-t-il lorsque nous sommes disposés à espérer en lui, aussi difficile que cela puisse paraître? Car espérer en lui peut nous paraître difficile parce que nous n'en voyons pas la raison. Et une des raisons pour laquelle cela nous paraît difficile est que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Nous voulons donc voir des résultats immédiatement, mais le Seigneur nous dit d'attendre et d'espérer en lui. Par ailleurs, lorsque le Seigneur nous dit d'attendre, nous interprétons parfois cela comme un refus de sa part. Nous devons nous rappeler que lorsque Dieu dit « Attends », cela ne veut pas dire « Non ». Cela veut dire « Pas tout de suite ». Et cela est parfois difficile à comprendre ou à accepter. L'inverse est également vrai. On peut penser que Dieu nous répond d'attendre et d'espérer en lui, alors qu'en réalité, il nous a répondu non. Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il parfois d'attendre et d'espérer en lui? Souvent, parce que notre requête cadre avec sa volonté, son objectif et son plan, mais pas avec son échéancier. Nous devons alors être capables de discerner s'il nous répond carrément par un refus ou s'il nous dit simplement d'espérer en lui. Et je crois que plus nous marchons avec lui, plus il devient facile de faire la différence entre « attends » et « non ». Tournons maintenant dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Nous y trouvons un verset remarquable des Écritures. Et pendant que vous cherchez le passage, je veux vous parler des 6 fruits de l'espérance envers Dieu. Premièrement, nous découvrons la volonté et le plan de Dieu en espérant en lui. Dieu honore ceux et celles qui espèrent en lui, car il est un Dieu de bonté. Regardons, Lamentations chapitre 3, verset 25. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Si je cherche Dieu, si je veux savoir ce qu'il me dit et quand je dois agir, lui, qui est rempli de bonté, me dira quand je dois agir. Un des fruits de mon espérance en lui est la clarification de sa volonté et de ses voies. Pour le deuxième fruit, nous devons tourner dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Nous y verrons un fruit très pratique. Il est la récompense de notre espérance en Dieu. Verset 28, nous lirons jusqu'au verset 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Deuxièmement, ceux et celles qui se confient en l'Éternel récoltent la force. Cette force et cette énergie surnaturelle nous permettent d'accomplir sa volonté. Quand nous espérons en l'Éternel, nous prenons notre envol comme les aigles, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous emporte avec lui. Il nous donne son énergie et sa force pour nous soutenir dans les temps de difficulté. On pourrait objecter, mais comment puis-je me contenter d'espérer en l'Éternel lorsque tant de choses doivent être faites? Il arrive parfois que le Seigneur nous demande d'espérer en lui pendant une courte période de temps. En d'autres occasions, nous devons attendre plus longtemps. Je me rappelle d'une occasion où le Seigneur a vraiment mis mon espérance en lui à rude épreuve. Je devais prêcher dans un autre pays. À cette occasion, j'ai ressenti plus que jamais le fardeau de ne pas être capable de faire ce qu'on me demandait de faire. Le pasteur m'a dit qu'il avait fait des arrangements pour que j'enseigne dans un centre communautaire. Il m'avait dit que j'enseignerais plusieurs fois à des groupes différents et qu'il avait tout organisé. La salle pouvait contenir environ 200 à 300 personnes. Mais il ne m'avait pas spécifié que je parlerais 25 minutes avec 5 minutes de repos entre les prédications. Je me suis donc exécuté une ou deux fois avant de penser à lui demander combien de fois je devais reprendre mon enseignement. C'est alors qu'il m'a répondu que je devrais le faire 7 fois en tout. Après la 3e fois, je n'ai pu que murmurer, « Seigneur, je n'y arriverai jamais, je ne suis plus capable de prêcher, et je devais y aller pour un autre 20-25 minutes. » L'endroit de la réunion était situé au centre-ville, et après la prédication, ils se vidaient rapidement. Les gens prenaient probablement une pause pendant leur journée de travail et y retournaient rapidement. En 5 minutes, ils sortaient tous et un nouvel auditoire faisait son entrée. Mais après la 3e ou la 4e fois de ce manège, je me suis senti épuisé. Je n'en pouvais plus. Je me rappelle m'être trouvé un petit local, avoir étendu mon imperméable sur le plancher de béton et m'y être étendu en disant au Seigneur, « Je m'appuie sur ta parole. Tu as dit que si je me confiais en toi, tu renouvellerais mes forces, que je prendrais mon envol comme les aigles, que je pourrais courir sans me lasser et marcher sans me fatiguer. Seigneur, je n'ai que 5 minutes. » Voilà ce que je faisais. Lorsque je finissais de parler, j'entrais dans le petit local, je m'étendais et je récitais ce verset devant le Seigneur. « Mon Dieu, voilà ce que tu promets. Grâce à cela, j'ai pu prêcher les 7 fois. Je n'avais que 5 minutes, quelquefois un peu plus, le temps de serrer quelques mains avant de me retrouver dans mon local. Je me rappelle avoir dit au Seigneur que je ne pourrais jamais y arriver. Mais je ne l'ai pas dit au pasteur qui me recevait. Je me suis dit qu'il allait sans doute se rendre à l'évidence si le Seigneur ne faisait rien pour moi et que j'étais incapable de continuer. Mais quand Dieu nous demande de nous confier à lui et d'espérer en lui, il s'agit parfois simplement de prendre quelques instants de tranquillité, de s'arrêter et de lui dire, « Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi, je t'en supplie. » Et il le fera. Il renouvellera nos forces et notre niveau d'énergie. Il fera exactement selon sa promesse. Ce passage des Écritures n'est donc pas seulement le fruit de l'imagination d'un auteur mort depuis plusieurs siècles. Il contient une promesse très réelle, pratique et terre à terre. Si nous espérons et nous confions en lui, Dieu renouvellera notre énergie. Nous prendrons notre envol comme les aigles, nous courrons sans nous lasser et nous marcherons sans nous fatiguer. Nous ne perdrons pas courage. Tournons maintenant dans le livre des Psaumes jusqu'au 37e, verset 9, si vous le voulez. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et dans le même psaume, au verset 34, il est écrit, « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. » Troisièmement, Dieu répond à notre prière quand nous espérons en lui. Nous devons parfois traverser des périodes de combat et de lutte, des temps difficiles dont l'issue ne nous apparaît pas clairement. Il nous arrive alors de penser, « Seigneur, comment vas-tu arranger les choses cette fois-ci? Et pourtant, je peux vous dire qu'il tient toujours ses promesses. Quand nous espérons en lui, nous exprimons notre foi en lui. Nous nous appuyons sur lui et nous nous confions en lui. C'est lorsque nous faisons face à des situations difficiles et à des circonstances pénibles que le Seigneur nous apprend à espérer en lui. Nous devons nous confier en lui en disant « Seigneur, je ne combattrai pas dans mes luttes, je m'appuie sur toi et je sais que tu combattras pour moi ». Je ne connais aucun verset dans toute la Bible où Dieu nous ordonne d'aller à la guerre seul. Dieu ne demande pas à ses enfants de combattre seuls, car il sait mieux que nous comment combattre à notre place. Nous devons donc espérer et nous confier en lui. Et j'ai découvert que, très souvent, si j'ai la patience d'attendre, d'espérer en lui et de me confier en lui sans essayer de me débrouiller seul, il règle le problème, et parfois d'une façon la plus étonnante et inattendue qui soit. Quelquefois, nous voulons essayer de manipuler les circonstances. Mais Dieu veut que nous espérions en lui. Il nous dit de lui faire confiance. Il s'occupera d'une situation qu'il n'a jamais eu l'intention de laisser entièrement entre nos mains. Bien entendu, un des fruits de notre espérance dans le Seigneur est une réponse à nos prières. Tournons maintenant dans le psaume 40. Ces merveilleux psaumes sont connus de la plupart des chrétiens, et certains d'entre nous les savent même par cœur. Regardons les versets 2 à 4 de ce psaume. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Avez-vous entendu? J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il nous arrive souvent de présenter nos requêtes à Dieu, mais avant qu'il ait pu leur répondre à sa manière, nous nous impatientons. Nous ne sommes pas disposés à attendre et à espérer en lui. Et alors, nous tentons de faire arriver les choses comme nous le voulons. Mais Dieu nous dit d'espérer en lui et d'attendre. Il nous est difficile d'attendre. Quand nous pensons que tout s'écroule autour de nous et que les choses doivent changer radicalement et rapidement, il est si facile de dire « Merci beaucoup, Seigneur. Je pense que je sais comment m'arranger. » Mais la parole de Dieu dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Quand nous crions à l'Éternel et que nous espérons quand même en lui, nos amis nous apostrophent parfois. Mais fais quelque chose. Ne te contente pas de prier. Tu dois être capable de faire quelque chose à part prier. C'est vrai. Mais il arrive parfois que c'est tout ce que le Seigneur veut que nous fassions à ce moment. Rester tranquille et prier. Ou, comme nous venons de le voir, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Ne devrions-nous pas espérer en Dieu et attendre son temps? Ne devrions-nous pas le laisser nous sortir du fond de la boue où nous étions engloutis et le laisser nous porter sur le roc? Ne devrions-nous pas le laisser mettre un nouveau chant dans notre cœur, un nouveau chant sur la fidélité de Dieu? Tournons maintenant, si vous le voulez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49 au verset 23. Nous y verrons l'accomplissement de notre foi. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ce verset est très important. Quand nous apprenons à mettre en Dieu notre espérance et notre pleine confiance, chaque aspect de notre vie semble prendre sa dimension véritable. Dieu récompense notre foi. Et si nous lui faisons confiance, nous ne le regretterons pas. Il nous arrive quelquefois de refuser d'attendre parce que les gens autour de nous font toutes sortes de suggestions. Pourquoi ne fais-tu pas ceci? Pourquoi ne fais-tu pas cela? Pourquoi ne fais-tu pas autre chose? Mais je suis ici par la volonté de Dieu pour vous dire que vous ne devriez rien faire avant d'avoir reçu la permission de Dieu. Il existe toutes sortes de situations délicates dans la vie, des circonstances difficiles et pénibles. Il devient facile pour une personne de vous envoyer dans une direction, de vous manipuler, de vous encourager ou de tenter de vous culpabiliser si vous n'allez pas dans le sens qu'elle vous propose. Mais vous n'aurez jamais à rougir d'avoir espéré en Dieu, il vous l'a promis. Quatrièmement, quand nous espérons en Dieu, nous pouvons assister à son œuvre dans notre vie. Tournons dans Ésaïe chapitre 63. C'est un de mes passages préférés, car il exprime si joliment les conséquences de notre espérance en Dieu. Nous découvrons des merveilles dans Ésaïe chapitre 63, verset 19, au chapitre 64, verset 3. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Comme j'aime ce passage! Voici le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent de l'univers. Et que fait-il? Il agit en notre faveur. Cela défie l'imagination qu'un Dieu si grand se soucie de créatures aussi humbles que nous. Peu importe la circonstance, il se tient prêt à agir en faveur de ceux et celles qui se confient en lui. Toutes les personnes qui disent « Seigneur, je ne vois pas d'issue, mais je me confie en toi, j'espère en toi, je m'appuie sur toi. J'accomplirai ta volonté, Seigneur. Que dois-je faire maintenant? Montre-le-moi. » Ceux-là verront leur foi, leur espérance et leur confiance récompensées, car Dieu agira en leur faveur. Il est certainement bon d'avoir des amis, il est bon d'avoir des gens qui vous aiment, et il est bon de pouvoir compter sur le support des personnes qui vous entourent. Mais quand Dieu agit en votre faveur, vous ne pouvez pas faillir. Amen. Comment pourriez-vous faillir quand Dieu vous dit « Espère en moi et j'agirai en ta faveur ». Vous avez la puissance souveraine de l'univers qui se tient à vos côtés pour agir en votre faveur. Comment pourriez-vous faillir quand Dieu agit en votre faveur? C'est pourquoi Dieu dit que ceux qui se confient en lui ne seront pas confus. Pourquoi? Parce que toute la puissance des cieux se tient derrière ceux qui se confient en l'Éternel. Et vous pouvez vérifier que, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous met toujours devant le même défi. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et quand vous parcourez l'Ancien Testament, vous pouvez voir que chaque fois qu'Israël remporte une victoire, c'est parce qu'il a fait confiance à Dieu. Mais chaque fois qu'il subit une défaite, c'est parce qu'il ne se confiait pas en Dieu. Vous pouvez vérifier dans toute la Bible. Elle répète partout la même chose. Espérer en Dieu exige de la confiance. Un dernier sujet dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui concerne les exigences de l'espérance. Elles sont au nombre de quatre et sont essentielles si nous voulons espérer en l'Éternel. La première est la foi, c'est-à-dire que nous devons avoir confiance en Dieu qui répondra à nos requêtes à sa manière et en son temps. Son temps n'est pas toujours le nôtre et sa manière n'est pas toujours la nôtre. Une des principales exigences est peut-être l'exigence de base. pour espérer en Dieu et lui faire confiance est d'avoir la foi. La deuxième exigence est l'humilité. Je dois être convaincu de ma dépendance absolue de Dieu. Je dois être convaincu que je ne peux rien accomplir de bon sans lui. Je dois en être tellement convaincu que je suis prêt à soumettre ma volonté et me soumettre moi-même à deux choses. Nous les avons déjà mentionnées. Il s'agit de me soumettre à sa manière d'agir et au fait que je devrais attendre le moment de son choix pour voir la réponse à ma requête. Si je veux sincèrement m'humilier devant Dieu, je dois me soumettre à son contrôle total par rapport à ces deux choses. La première exigence de l'espérance en Dieu est de lui faire confiance. La deuxième est l'humilité. Je dois me soumettre à sa manière et à son agenda. Si vous pensez que les deux premières exigences étaient difficiles, je dois vous avertir tout de suite. Personne n'aime la troisième. Il s'agit de la patience. Je dois être prêt à tenir bon jusqu'à ce que je reçoive d'autres instructions. Je suis disposé à m'arrêter jusqu'à ce qu'il agisse. Je dois donc lui faire confiance, ensuite m'humilier devant lui, et enfin je dois faire preuve de patience. Car voyez-vous, si je lui fais réellement confiance, je peux me permettre d'être patient. Si je suis disposé à attendre son temps et à me soumettre à ses voies, je prouve par là ma patience. La quatrième et dernière exigence est le courage. Car espérer en l'Éternel requiert beaucoup de courage, particulièrement si vous faites face à des pressions autour de vous et à des gens qui vous incitent à agir immédiatement. Pourquoi ne fais-tu pas ceci et cela? Pourquoi ne prends-tu pas telle disposition? Pourquoi ne prends-tu pas de décision? Ce genre de contraintes se rencontre surtout dans un milieu de travail où beaucoup de gens pensent qu'il est essentiel d'agir rapidement. Et si vous n'y faites pas attention, vous pourriez vous laisser influencer, et au lieu d'écouter Dieu, vous écouterez quelqu'un d'autre. Toutefois, vous seriez bien avisé de rester à l'écoute de Dieu. La force de la majorité contrôle ce monde. Mais dans votre vie personnelle et votre relation avec Dieu, une seule personne détient le contrôle absolu. C'est Dieu. Peu importe si 10 000 personnes vous conseillent de faire quelque chose. Si vous avez clairement reçu la consigne de Dieu vous disant d'espérer en lui et d'attendre son signal, obéissez-lui. Cela prend du courage. Le courage est de rigueur lorsqu'on espère en l'Éternel. Je ne connais pas précisément les circonstances de votre vie, mais je peux vous dire ceci. Ces principes simples fonctionnent à tout coup, et vous n'avez pas à vous inquiéter d'avoir l'air fou, car il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus ni honteux. Vous n'avez pas à redouter l'échec. Et même si vous faites une erreur, même si vous faites une énorme gaffe et que vous pensez « Je pensais que Dieu voulait que je fasse cela » et que vous avez sincèrement espéré en lui, Dieu agira d'une façon qui vous étonnera. Il connaît votre cœur, il a vu la sincérité de votre espérance en lui. Il prendra votre erreur et il la changera du tout au tout. Il la transformera en votre faveur et votre erreur donnera de si bons résultats que vous en serez émerveillés. Pourquoi agit-il ainsi? Parce qu'il est un Dieu rempli de bonté et qu'il sait que nous sommes ses enfants. Laissez-moi vous mettre en garde. Après avoir entendu ce message, vous pourriez penser avoir tout compris, mais ce n'est pas le cas. Nous devons tous apprendre l'espérance en Dieu par nous-mêmes. J'aimerais vous confier quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous ne pourrez pas vous approprier ce message parce que vous l'avez entendu ou même parce que vous l'avez pris en note. Ce message vous appartiendra quand vous l'aurez appliqué dans vos situations particulières de vie et que vous aurez laissé à Dieu l'occasion de vous faire une démonstration personnelle de sa façon de fonctionner. C'est seulement à ce moment que ce message vous appartiendra vraiment. Et vous pourrez alors dire à quelqu'un, avec le même ton assuré, « Laisse-moi te dire, tu n'auras jamais honte de t'être confié dans le Seigneur. Tu n'échoueras jamais si tu espères dans le Seigneur. Fais-lui confiance. » vous aurez la même sensation de courage, de confiance et d'assurance absolue et inaltérable en toute situation. Car vous aurez compris qu'espérer en l'Éternel est une attitude très sage. Mais vous pourrez vous l'approprier seulement en la mettant en pratique et en la mettant à l'épreuve. C'est à ce moment que cette attitude deviendra vôtre. Et comment peut-on acquérir de l'expérience? En essayant, en réussissant et en échouant. Voilà comment on acquiert de l'expérience. Ne vous laissez pas arrêter par la peur de l'échec. J'ai échoué plusieurs fois et vous en ferez autant. C'est comme ça qu'on apprend. Et parfois, vous parlerez à Dieu et vous lui direz « Seigneur, je pensais bien avoir entendu ta voix, mais ce n'était pas toi. » Et encore une fois, il est intéressant de voir comment Dieu peut prendre nos échecs et, connaissant la pureté de notre cœur, les transformer en victoire et faire tourner les événements en notre faveur. Si notre motivation est pure, il transformera nos défaites en victoire. Amen. Vivez-vous une situation qui paraît totalement sans issue? Vous sentez-vous dans une impasse? Attendez-vous désespérément une réponse de Dieu pour une situation particulière, un projet, ou par rapport à une prière que vous lui adressez chaque jour? Or, dans ces cas de figure, Dieu vous a-t-il dit d'attendre? Charles Stanley vous a rappelé dans ce message qu'il est bon d'espérer en l'Éternel et d'attendre son signal. Il vous a encouragé à suivre les directives du Seigneur. Cela peut paraître difficile, et parfois même, vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu agit de la sorte. Toutefois, n'oubliez pas, personne ne connaît mieux que Dieu le meilleur moment pour agir. Il est le Créateur. Il est aux commandes de votre vie. Il contrôle parfaitement la situation. Et même si vous êtes tenté de tout abandonner parce que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, persévérez. Continuez d'espérer en lui pour chaque aspect de votre vie et il vous bénira certainement. Aussi, si vous sentez que la situation vous échappe et que ce n'est plus possible de continuer dans cette direction, relisez le psaume 37 qui vous encouragera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.